Section 13 de la lecture, tome 7e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 7e, section 13, Les amours de Gilles, livre 4e, Isabelle, par Louis Morin, chapitre 4, Encore le cœur de Pulcinelle, les audaces de Paquette. Gilles n'était pas heureux, bien qu'il fût au comble de ses voeux. Sa position ambiguë devenait intolérable. Adorant Florise et retenu auprès de Paquette, il ne savait à quoi se résigner. La bizarre coutume du carnaval vénitien lui permettait de vivre en partie double, sous le masque, sans éveiller les soupçons. Mais le carnaval ne durerait pas toujours. Que ferait-il alors? Lequel prendre de ces deux partis terribles? Abandonner Paquette ou quitter Florise? Quitter Florise? Était-ce possible? Dans l'inquiétude de son esprit, dans l'énervement que lui causait le mécontentement qu'il avait de lui-même, il ne s'aperçut pas qu'il devenait méchant pour Paquette, qu'il descendait avec elle à d'odieux raffinements de taquinerie cruelle. Un homme très amoureux ne considère dans le monde que celle qu'il aime. Il hait toutes les autres femmes. Il est d'une partialité stupide, d'une injustice féroce. Égoïsme à deux ne dit pas assez. Les amoureux sont en guerre ouverte avec le reste du genre humain. C'est le côté bestial du plus noble sentiment. Il n'avait plus de ces retours qui la consolaient, qui lui faisaient supporter bien des misères par l'attente d'un moment de tendresse. Combien tristes étaient les repas! Gilles s'asseyait et mangeait sans mot dire, avec l'attitude irritée qu'il gardait à présent dans son ménage. Et il n'ouvrait la bouche que pour se plaindre de ce que Paquette lui servait. Pourtant, elle avait plus de soin encore que jadis pour lui préparer les choses qu'il aimait. Elle mettait elle-même la main à la cuisine et s'ingéniait dans l'espoir de le satisfaire. Mais il semblait que ses attentions redoublassent son irritation. Le moindre sujet faisait naître des querelles injustes, interminables. Paquette se défendait faiblement et avec une patience humiliée et suppliante jusqu'à ce que, ne pouvant plus retenir ses larmes, elle éclatait en sanglots. Alors il se levait, jetait la serviette sur la table et s'en allait en déclarant les pleurnicheries insupportables. Aussi, pris d'un reste de compassion, il essayait de la consoler, c'était avec des paroles brèves et des railleries froides qui ne faisaient qu'à aviver sa douleur. La maman Pulcie assistait à ces scènes, immobile, configée dans son fauteuil, les yeux humides. Pauvre vieille bonne femme, ne pouvoir consoler sa fille, la serrer dans ses bras, lui dire quand Gilles était parti en frappant les portes, tout ce qu'un cœur de mère s'est trouvé pour chasser la peine, pour rendre l'espérance, donner de sages conseils, dire que les hommes ont de ces mauvais moments, mais que cela passe et que l'amour revient toujours à l'épouse fidèle et patiente. Tout cela, ses yeux seuls cherchaient à l'exprimer, et dans l'angoisse de sa douloureuse impuissance, de grosses larmes coulaient lentement sur son visage ridé. Paquette venait s'asseoir auprès d'elle, comme autrefois, quand elle avait des chagrins de petite fille, et qu'elle se cachait la tête contre l'épaule de sa mère. Elle pleurait longtemps, jusqu'à ce que sa douleur s'engourdît et qu'un peu de courage lui revint. Le soir au théâtre, c'était un autre supplice. Il critiquait sa manière de jouer, lui reprochait en paroles aigres son inintelligence. Quelquefois dans les coins, il avait encore la convenance de ne pas la quereller en public, et il accusait de faire manquer ses scènes les plus brillantes. Elle se troublait, prenait peur, et jouait encore plus mal. Le soir, ils revenaient ensemble sans mot dire. Mais le plus souvent, Gilles la quittait à la porte du logis, prétextant quelques invitations, et il ne rentrait que bien avant dans la nuit. Il passait de longues heures au ridotto. Il y retrouvait Florise, mais elle n'était pas toujours la bonne fée des premières parties qu'il avait engagées. Il perdait quelquefois bien que la fortune lui fût assez fidèle, et comme il prélevait la perte sur sa bourse, réservant le gain pour Florise, il en résulta un notable déficit dans le budget du ménage. Paquette connut alors les privations et les pénibles journées de la ménagère qui n'ose pas demander l'argent nécessaire à l'entretien de la maison. Quelqu'un suivait d'un œil attristé cette dégringolade. C'était Pulcinelle. Son regard torve s'attendrissait lorsqu'il constatait sur la figure amaigrie de Paquette la trace profonde qui y imprimait le chagrin. Hélas, qu'y pouvait-il faire ? Il avait bien pensé, dans les moments de colère, à briser Florise sous son bâton, comme autrefois sa femme infidèle. Mais le pouvait-il ? De quoi irait-il se mêler là ? Il venait plus souvent rive à Carbone. Il restait des heures à causer avec Paquette, à raconter à la mère Pulci ses petites anecdotes qui l'amusaient tant autrefois. Il faisait des efforts inouïs, souvent maladroits, pour trouver dans sa vieille tête d'ivrogne des choses qui pussent consoler Paquette, faire croire à la bonne femme que sa fille était heureuse, enviée de tous. Mais Paquette souriait tristement et son regard reconnaissant disait à Pulcinelle qu'elle n'était pas dupe de ses charitables inventions. La mère Pulci, elle aussi, hochait mélancoliquement la tête. Et Florise, ne devinait-elle rien du drame intime qu'elle avait fait naître ? Elle était assez intelligente pour pressentir le mal qu'elle faisait à Paquette. Oui, certes, mais Florise n'avait pas de conscience. Elle aimait Gilles, elle avait Gilles, et elle pouvait lui être fidèle depuis que la chance le favorisait. Que lui importait le reste ? Un soir, à la comédie, Paquette comprit tout. Elle s'était rhabillée plus rapidement que de coutume. Elle se dirigea vers la loge de Gilles. La porte était ouverte, mais une tenture cachait l'intérieur de la petite chambre. Paquette souleva cette tenture et resta pétrifiée comme frappée par la foudre. Florise était assise sur les genoux de Gilles et l'embrassait de tout son cœur. Comme Paquette, stupéfaite, laissait sans bruit retomber les rideaux, elle entendit ces mots. « Ce soir au ridotto, n'est-ce pas ?» Et elle s'enfuit dans sa loge sans trop songer à ce qu'elle faisait. Quelque temps après, Gilles vint la chercher. Elle ne lui dit rien et le suivit. Dans la rue, ils marchèrent à côté l'un de l'autre. Paquette allait comme une somnambule. La secousse avait été si vive qu'elle n'éprouvait qu'une douleur confuse, en se répétant mentalement « C'est sa maîtresse, c'est sa maîtresse !» Ils suivirent les petites ruelles emmêlées qui mènent à la rive à Carbone. Et lorsqu'ils furent arrivés devant la porte de leur maison, « Bonsoir, Paquette, » dit Gilles, « te voilà en sécurité. Je vais chez les Granelleschi. Couche-toi, ne m'attends pas. » Il tourna les talons et s'en alla d'un pas rapide. Elle était restée à la porte, la main sur le cordon de la sonnette. Cependant, elle ne sonna pas. Une réaction se faisait en elle. Une colère qu'elle ne se connaissait pas la fit trembler des pieds à la tête. Quittant le seuil, elle se dirigea rapidement vers le ridotto. Que voulait-elle faire ? Démasquer les traîtres ? Elle ne raisonnait pas bien. Il lui semblait que personne ne pouvait se désintéresser d'une chose si abominable. Bien sûr, tout le monde serait pour elle au ridotto, quand elle arracherait les deux masques et qu'elle crierait « Voyez, voilà mon mari et voilà sa maîtresse. » Et alors, quel scandale ! Florise serait sifflée, au théâtre, sifflée et obligée de partir. Elle allait très vite, fouettée par la fièvre qui l'avait prise. Elle ne pensait pas à avoir peur, dans ces rues désertes qui d'habitude l'effrayaient tant. Tout à coup, l'idée lui vint qu'on ne la laissera pas entrer au ridotto, comme elle était là, en robe courte et en zandaletto. Elle courut à la merceria pour voir si la boutique du marchand de costumes était encore ouverte. Il allait fermer sa porte. Elle choisit un domino, l'endossa, donna des gages et s'en alla sans avoir remarqué les sourires entendus du costumier qui la prenait pour une petite bourgeoise en conquête. Elle arriva rue Saint-Moïse. Il y avait là une animation qui durait presque toute la nuit. Des groupes de masques se promenaient, des dominos féminins parlaient aux passants. Deux tabarots, qui avaient remarqué Paquette, la suivirent et entrèrent dans la maison de jeu derrière elle sans qu'elle s'en aperçût. Fin de la section 13, Lupin Agnès, Hobby 2024.